الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، للونج طاديو سينيور دي زونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين، et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, مع الدرس الثالث والعشرين, et ça va être avec le cours numéro 23. رأينا في الحصة الماضية كيف استعمل المشركون المكيون وسيلة الاستهزاء لمحاربة الإسلام. Nous avons vu dans la séance précédente comment les associateurs mécois ont utilisé le moyen de moquerie pour combattre l'islam. وسنرى اليوم وسيلة أخرى استعملها كذلك المشركون وهي الجدال. Aujourd'hui, nous allons voir un autre moyen utilisé par les associateurs mécois qui était la critique polémique. فالجدال وسيلة تمنحهم الدفاع عن دينهم وفي نفس الوقت الهجوم على الإسلام. La polémique, le débat critique était un moyen qui leur fournissait la défense qui leur permettait de défendre leur religion, mais en même temps d'attaquer l'islam. وسيكون هذا الجدال عبر أسئلة ومطالب وملاحظات إلى آخره. Cette polémique va prendre plusieurs formes, formes de questions, de demandes à réaliser, des remarques, etc. الهدف منها هو إثارة الشكوك والشبهات حول هذا الدين الجديد. Le but de cette polémique, c'est d'éveiller les soupçons et les méfiances autour de cette nouvelle religion. وبالتالي هدم أسس هذا الدين, par la suite détruire les bases de cette religion. وبطبيعة الحال الجدال ستقوم به النخبة من المشركين القادرة على التفكير. Bien sûr, cette polémique sera menée par l'élite parmi les associateurs qui sont capables de réfléchir. وَسَتُسَلِّحُ الْبُسَطَاءَ مِنَ النَّاسِ بِأَفْكَارِهَا. Cette élite va armer les gens simples par leurs idées, l'idée de l'élite. وَسَيُرَدِّدُ الْبُسَطَاءُ نَفْسَ الْكَلَامِ كَالْبَبَغَوَاتِ. Et les gens simples vont répéter les mêmes paroles comme des perroquets. وإن كانت هذه الأفكار خاطئة, même si ces idées d'élite sont fausses, بعيدة كل البعد عن الحقيقة, et même si ces idées sont très éloignées de la vérité, وعبر وسيلة الجدال, et par le biais de la polémique, هاجم المشركون ثلاثة محاور تمثل رموز الدين الجديد. Les associateurs, par le biais de la polémique et du débat critique, ont attaqué trois axes principaux qui représentaient les symboles de cette religion nouvelle. هاجموا النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont attaqué le prophète, prière et salut sur lui. Al-Qur'an, le Coran, le livre sacré, wal-aqida et la doctrine. حاولوا بذلك إحراج النبي صلى الله عليه وسلم. Avec cette méthode, ils ont essayé de mettre en grande difficulté le prophète. Prière et salut sur lui. وجعله في موقف ضعف. Ils ont essayé avec ces critiques ou avec cette polémique de le mettre en situation de faiblesse. ليقول للناس, afin de dire par la suite aux gens simples, انظروا, regardez, إنه عاجز عن إجابتنا. Il est incapable, ce prophète est incapable de répondre à nos demandes. فلا تتبعوه إن كنتم مشركين وفارقوه إن كنتم مسلمين. Donc ne le suivez pas, ne le suivez plus si vous êtes ou ne le suivez pas si vous êtes associateurs comme nous, et ne le suivez plus, quittez-le si vous êtes devenu musulman. ولكن عند كل هجوم كان القرآن يجيب ويدافع. Mais à chaque attaque des associateurs, c'était le Coran qui répondait et qui défendait. ويعطي جوابا عقلانيا معجزا. Et le Coran donnait des réponses rationnelles basées sur la raison et qui constituaient un miracle qu'on ne pouvait pas critiquer ou dépasser. وهنا أذكر بأن القرآن لم يكن معجزا فقط في أسلوبه العربي الأدبي. Je rappelle ici que le Coran ne constituait pas uniquement un miracle concernant son style arabe littéraire de haut niveau, ولكن كان كذلك معجزا في إجابته للمشركين. Mais en plus de ceci, il constituait un miracle. Il donnait des réponses miraculeuses aux associateurs. وكان معجزا كذلك في تحديه لهم. Et même dans son défi aux associateurs, il constituait un miracle fort. ونبدأ بالمحور الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Et on va commencer maintenant par le premier axe. On a dit qu'il y avait trois axes. Le premier axe, c'était le prophète, prière et salut sur lui. وقد رأينا في المرة الماضية جانبا مما قاله المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avons vu tous, dans la fois précédente, ce que les associateurs ont dit sur le prophète, prière et salut sur lui. أولا, premièrement, فلما نعت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون. Lorsqu'ils ont qualifié le prophète, prière et salut sur lui, comme quoi il était fou, il était touché de la folie. أجاب الله قائلا. Dieu a répondu par un verset coranique. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certes, tu jouis d'une très haute moralité. فالجنون خلل يصيب الآلة العقلية. La folie est une panne, un dérèglement qui touche l'appareil mental chez l'homme. وَتَكُونُ لَهُ عَوَاقِبْ تَتَمَتَّلْ فِي عُوِجَاجَ السُّلُوكِ. Et la folie a toujours des conséquences qui sont représentées par une conduite déséquilibrée. وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدْ كُلْ أَنَّاسِ تَشْهَدُ لَكَ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ. Et toi, ô Mohamed, tous les gens de la Mecque témoignent en ta faveur d'une bonne conduite, d'une conduite exemplaire. فَأَيْنَ الْجُنُونُ إِذَنْ. Donc, où est la folie en toi? ثانياً, deuxièmement, لَمَّا نَعَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَنَّهُ شَاعِرٌ. Lorsqu'ils ont qualifié le prophète, prière et salut sur lui, comme quoi il était poète. أجاب الله قائلا. Dieu a répondu par un verset coranique. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. ألم تر أنهم, يعني الشعراء, في كل واد يهيمون, يعني يغيرون آراءهم دائما, يقولون الشيء ويقولون ضده. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Il n'y a que les égarés qui suivent les poètes à l'époque. Ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils errent à l'aveuglette dans toute vallée? La signification, ça veut dire qu'ils changent beaucoup leur tendance et disent la chose et son contraire, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. فَهَذِهِ ثَلَاثُ صِفَاتِ لِلشُعَرَاءِ. Dieu a donné là trois caractéristiques des poètes. وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il n'y a pas même une seule caractéristique des poètes qui se trouve dans le prophète, prière et salut sur lui. فَالَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ceux qui l'ont suivi, مُتَّقُونَ, sont des pieux et non pas des égarés. مُتَّقُونَ صالحون في دينهم, qui sont vertueux dans leur religion. خلقهم, dans leur comportement. وتصرفاتهم إذن leur conduite كأبي بكر وعثمان وعلي إلى آخره كم أبو بكر كم عثمان كم علي إدوتر وليسوا ضالين أو غاوين إل نتي با دي زيغاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغير رأيه كل يوم، فهو يدعو دائما إلى رب واحد ودين واحد. Le prophète prière et sagesse, lui, ne changeait pas d'avis tous les jours ou chaque jour. Il appelait toujours, depuis le début, à un seul Seigneur et à une seule religion qui est l'islam. وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يفعل. Et prière et sagesse, lui, il ne disait que ce qu'il faisait. ولا يفعل إلا ما يقول. Et il ne faisait que ce qu'il disait. فأين الشعر إذن? Où est donc la poésie dans ses paroles? C'était des réponses rationnelles de la part de Dieu sous forme de versets coraniques. Thalithan, troisièmement, لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب, lorsqu'ils ont prêté le prophète prière et sagesse, comme quoi il était un menteur, un grand menteur. أجاب الله قائلا, Dieu a répondu par un verset coranique, لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب, lorsqu'ils ont prêté le prophète prière et sagesse par la description de grand menteur, أجاب الله قائلا, Dieu le Très-Haut a répondu, ألم يعرفوا رسوله فهم له منكرون, ou bien n'ont-ils jamais connu leur messager, c'est pourquoi le renient-ils. يعني لو أتاهم رسول غريب عنهم, dans le cas où on leur a envoyé un messager étranger par rapport à eux, من خارج مكة, qui est venu de l'extérieur de la Mecque, سيقولون لا نؤمن بك لأننا لا نعرفك. Ils allaient dire, on ne peut pas croire en toi parce qu'on ne te connaît pas. ولا نعرف شيئا عن ماضيك, et on ne sait rien à propos de ton passé. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون عنه كل شيء. Mais le prophète Mohammed, prière et sagesse, il savait tout sur lui. فهو شريف, c'est un notable shérifien. يعرفون آباءه, il connaissait ses parents et ses arrière-grands-parents. يعرفون تاريخة, il connaissait son histoire. يعرفون أخلاقة, il connaissait son comportement noble. يعرفون صدقه, il connaissait sa véracité. الصادق الأمين, le véridique, digne de confiance. عاش معهم 40 سنة, il a vécu avec eux 40 ans depuis sa naissance jusqu'au point où il est devenu prophète. قبل أن يصبح رسولا فالأصل أن يصدقونه. Normalement il devait croire en lui. لأنه لم يكذب ولا مرة في أمور الدنيا, parce qu'il n'a jamais menti en ce qui concerne les affaires de ce bas monde. فكيف يكذب على الله, comment peut-il mentir mais à propos de Dieu. رابعا, quatrièmement, لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وأن الجن والشياطين تتنزل عليه, lorsqu'ils ont qualifié le prophète prière et sagesse par la sorcellerie, et comme quoi il recevait les démons et les génies et les diables, c'est-à-dire les génies, les diables, les démons descendaient sur lui. كما تتنزل على الصحراء, exactement comme il descendait sur les sorciers. أجاب الله قائلا, Dieu a répondu par un verset coranique, هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نفيم. Voulez-vous que je vous informe de ceux sur qui descendent les démons? Ils descendent sur tout grand menteur et pécheur obstiné. وبما أننا رأينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في النقطة السابقة ليس كذابا, et comme nous avons bien vu dans le point précédent que Mohammed n'était jamais un menteur ou un grand menteur, donc les démons ne descendent pas sur lui. Cinquièmement, فلما لم يحقق المشركون انتصارا بقولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب, مجنون, ساحر, شاعر, lorsque les associateurs n'ont réalisé aucune victoire en disant sur Mohammed prière et sagesse, comme quoi il est grand menteur, comme quoi il est fou, comme quoi il est sorcier, comme quoi il est poète, لأن القرآن أبطل زعمهم, parce que le Coran à chaque fois il annulait leurs prétentions, غيروا الأسلوب, ils ont changé la méthode, وقالوا لا يمكن لبشر أن يكون رسولا, ils ont dit, il n'est pas possible pour un homme, pour un humain, d'être un messager. فَالرَّسُولُ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا. Il faut que le messager soit un ange. C'est pas possible qu'un homme ordinaire soit messager. يعني هذا الرجل يعني يجب أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. Le messager, selon eux, devait ne pas manger, ne pas boire, ne pas marcher dans les souks, dans les marchés. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Et qu'est-ce qui a empêché les gens de croire lorsque leur vint la bonne direction, si ce n'est qu'ils ont dit, est-ce que Dieu a envoyé un être humain messager? وَهُنَا قَالَ مُشْرِكُ مَكَّةَ مِثْلَ مَا قَالَتْ الْأَقْوَامُ لِرُسُولِهِمْ قَبْلَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Et là, les associateurs mécois ont dit la même chose, dite auparavant par des peuples qui les ont précédés à propos de leurs messagers, comme exactement dit ce verset coranique. قَالُوا إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres humains comme nous. قال تعالى يصف كفار مكة في آية. Dieu dit dans un autre verset coranique pour nous décrire les mécréants de la Mecque. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Ils dirent, qu'a donc ce messager à manger de la nourriture et à circuler dans les marchés? Que ne lui a-t-on descendu un ange pour qu'il soit avec lui un avertisseur? فأجاب الله في آية. Et Dieu a donné la réponse sous forme d'un verset coranique. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. Tous les messagers que nous avons envoyés avant toi mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. فذكرهم الله بالرسل الذين يعرفون. Et Dieu leur a rappelé les messagers qu'ils connaissaient comme Abraham, كإبراهيم, وموسى, وعيسى, Moïse, Jésus, prière et salut sur l'ensemble, عليهم الصلاة والسلام جميعا, كانوا بشرا. يأكلون وليسوا ملائكة. Ils furent tous des êtres humains qui mangeaient et non pas des anges. ويجيب الله عن قضية الملائكة. Et Dieu va leur donner une réponse à propos des anges. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dit, s'il y avait sur terre des anges marchant en toute sécurité, nous aurions certainement envoyé sur eux du ciel un ange messager. فَالْقَاعِدَ إِذَنْ. La règle donc, أَنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ يُرْسِلُ الرَّسُولَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِهِ. Par sagesse divine, Dieu envoyait toujours un messager de la même nature que son peuple. بَشَرًا مِثْلَهُمْ. Un humain, un être humain comme eux, يَتَكَلَّمُ لُغَتَهُمْ, qui parlait leur propre langue, وَلَهُ نَفْسَ أَطَّاقَ مِثْلَهُمْ, il avait la même capacité, la même énergie comme eux, حَتَّى يَكُونَ قُدْوَةً لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ, ainsi il sera un exemple, un modèle pour eux en ce qui concerne les adorations. أَمَّا الرَّسُولُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Mais si le messager était un ange, فَسَيَخَافُهُ الْبَشَرُ. Les anges d'abord auront peur de lui. وسيقولون لا نستطيع أن نعبد مثله فليس لنا مثل طاقته. Ils vont aussi dire, on ne peut pas adorer Dieu comme lui, parce qu'on n'a pas la même énergie ou la même capacité que lui. Lui c'est un ange, nous on est des pauvres humains, on ne peut pas adorer comme lui, on ne peut pas jeûner comme lui, etc. والشيء الثاني المهم جدا. La deuxième chose plus importante, أن الملك لن يراه الناس. L'ange ne sera pas vu par les gens. فالملائكة معنا. Les anges maintenant sont avec nous. عن يميننا وشمالنا ولا نراهم. Les anges existent maintenant avec nous. À notre droite, à notre gauche. Mais à notre gauche, mais on n'arrive pas à les voir. وَكَيَّرَ النَّاسُ الْمَلَكُ فَيَجِبْ أَنْ يَتَحَوَّلَ الْمَلَكُ إِلَى بَشَرٍ. Et afin que l'ange soit vu par les êtres humains, il doit changer de devenir et se transformer sous la forme humaine. À ce moment-là, il sera vu. كَمَا أَتَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ رَجُلٍ وَرَآهُ الصَّحَابَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Exactement comme à la fois où l'archange Gabriel est venu sous forme humaine et les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, l'ont vu et ils ont cru que c'était un voyageur, un homme voyageur. وَظَنُّوا أَنَّهُ رَجُلًا مُسَافِرًا وَلَمْ يَشُكْ أَحَدٍ. Et personne n'a douté que c'était un ange. وَلَمْ يَعْرِفُوا بِأَنَّهُ مَلَكٌ حَتَّى أَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ils n'ont su que c'était un ange qu'après avoir été informé par le prophète, prière et salut sur lui, بِأَنَّهُ جِبْرِيلَ, qui leur a dit c'était là l'archange Gabriel, أَتَاهُمْ يُعَلِّمُهُمْ دِينَهُمْ, qui est venu pour leur enseigner leur religion. فَالْمُشْكِلْ إِذَنْ, le problème donc, لَوْ أَتَى مَلَكْ فِي صِفَةِ رَجُلٍ رَسُولٍ, dans le cas où il y a un ange qui vient sous la forme d'un homme, un homme messager, لَقَالَ الْكُفَّارُ لَهُ, les mécréants vont lui dire, أَنْتَ بَشَرٌ وَلَسْتَ مَلَكًا, tu es un être humain comme nous et tu n'es pas un ange. Parce qu'ils vont voir qu'il a une forme humaine. Ils vont dire, tu es menteur. Ah non, non, non, non, non, tu n'es pas un ange. Parce que tu es comme nous, tu es un homme. فَأَنْتَ كَذَّابٌ, tout simplement, tu es un menteur. وَإِذَا بَقِيَ عَلَى صِفَةِ الْمَلَكِ لَا يَرَوْنَهُ, et s'il reste sous sa forme ange, il ne sera pas vu par eux. ولهذا قال الله تعالى, raison pour laquelle Dieu a dit dans un verset coranique, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Si nous en avions fait un ange, nous lui aurions sûrement donné une apparence humaine et nous leur aurions brouillé la vérité comme ils la brouillent eux-mêmes. بمعنى سيقولون هذا بشر وليس ملكا, ça veut dire, ils vont dire, ah non, c'est un homme et c'est pas un ange, ويصير الالتباس, et il y aura la confusion. سادسا, sixièmement, لما انتصر القرآن في قضية بشرية الرسول, lorsque le Coran l'a emporté en ce qui concerne l'humanité du messager, غير المشركون الأسلوب, les associateurs ont changé la méthode et le moyen, waqalu, et ils ont dit, d'accord. Qalu, ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ Est-ce que Dieu n'a trouvé parmi tous les humains que ce pauvre orphelin? لا يمكن أن يترك الله كبار مكة والطائف, مدينة مكة والطائف, ويختار هذا المسكين رسولا. Ils ont dit, c'est pas possible pour que Dieu laisse les grands notables de la Mecque et de la ville de Taïf, et il va choisir ce pauvre orphelin comme messager. قال تعالى يصف ذلك, Dieu a dit dans un verset coranique pour nous décrire leur proposition, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Et ils dirent, ah, si ce Coran avait été descendu sur un homme de l'une des deux cités, ça veut dire la Mecque ou Taïf, de grande importance. وقال الكفار, et les mécréants ont dit, الأفضل في مكة هو الوليد بن المغيرة, le meilleur des hommes aptes à être messager dans la Mecque, c'est الوليد, fils de المغيرة, الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر, الذي رأينا في الحصة الماضية أنه اتهم النبي بأنه ساحر, الوليد fils de المغيرة, que nous avons vu dans la séance précédente et qui a qualifié, qui a traité le prophète comme sorcier. وفي الطائف قالوا أحسن رجل هو عروة بن مسعود الثقفي. Et à Taïf, la cité de Taïf, ils ont dit le meilleur, c'est Urwa, fils de Mas'ud al-Thaqafi. فلو اختار الله رسولا بشرا لاختار احد هذين الرجلين وليس محمدا صلى الله عليه وسلم. Et si Dieu avait choisi un homme comme messager, il devrait choisir soit cet homme ou bien l'autre et non pas Mohammed prière et sa souris. فأجابهم الله. Et Dieu leur a donné cette réponse sous forme de verset coranique. أهم يقسمون رحمة ربك. رحمة الله هي النبوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهم كفار مكة أهم يقسمون رحمة ربك. رحمة ربك يعني النبوة التي أعطيناك. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Sont-ils donc eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur? La miséricorde, ça veut dire la prophétie, parce que Dieu a dit dans un verset coranique, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde universelle. Ça veut dire la miséricorde, là, c'est l'avoir nommé prophète. Sont-ils donc ceux, ou bien sont-ils donc eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dont la vie ici-bas. Bimana, ceci signifie, Ya Muhammad, ô Muhammad, هؤلاء الكفار يفهمون ويعرفون أحسن مني أنا الله. Est-ce que ces mécréants comprennent et savent mieux que moi Dieu? يعرفون من هو أولى أن يكون نبيا لي. Ce sont eux qui savent mieux que moi qui peut ou qui mérite d'être prophète pour moi. أنا الذي قسمت بينهم الرزق. C'est moi qui a réparti entre eux la subsistance. فجعلت بعضهم غنيا كالوليد ابن المغيرة. Et j'ai rendu les uns parmi eux riches comme الوليد fils de المغيرة. وبعضهم يتيما أو فقيرا كمحمد صلى الله عليه وسلم. Et c'est moi qui a rendu les uns parmi eux pauvres et orphelins comme محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا رضوا بقسمتي واختياري في الرزق. Pourquoi ont-ils accepté et agréé ma répartition en ce qui concerne la subsistance et en même temps ils n'ont pas accepté mon choix et ma répartition en ce qui concerne la prophétie. Je passe maintenant vers le deuxième axe qui est le Coran. Ils ont attaqué bien sûr le prophète. Et on a dit qu'ils ont attaqué un autre axe qui est le livre sacré des musulmans, qui est le Coran. وَقَدْ أَبْدَى الْمُشْرِكُونَ عِدَّةْ اِعْتِرَابَاتِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِهَا. Les associateurs ont soumis plusieurs critiques et oppositions concernant le Coran. Parmi ces propositions, أولاً, premièrement, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عند المروة إلى غلام نصراني. Le prophète, prière et saillie sur lui, visitait souvent un jeune serviteur chrétien à côté de la Marwa, du mont Marwa, ça veut dire dans la Mecque. هذا الغلام نصراني رومي, رومي من سقيلة. Il s'agissait d'un gréco-romain qui a pour origine Sicile. كان يصنع السيوف. Il était un armurier. ولا يعرف من العربية إلا اليسير. Et il ne connaissait de l'arabe qu'un petit peu. وقال, c'est-à-dire, il ne savait même pas parler bien l'arabe. Il savait à peu près répondre aux petites questions en arabe. Les salutations, etc. وقال المشركون, les mécréants ont dit, محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن من رجل أعجمي. Mohammed prière et saillie sur lui, est en train d'apprendre le Coran chez un homme non arabe, chez un étranger, chez l'étranger non arabe, ça veut dire le Sicilien. فَأَجَابَ اللَّهُ قَائِلًا. Et Dieu a répondu par un verset coranique. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Nous savons parfaitement bien qu'ils disent « c'est un être humain et rien d'autre qui l'instruit. La langue de celui auquel ils font allusion est étrangère et celle-ci est une langue arabe bien claire. » ونلاحظ أن المشركين أمام انهزاماتهم في مقابلة القرآن nous remarquons ici que les mécréants devant leurs défaites successives face au Coran وبدافع غيظهم et en étant stimulés par leur grande colère de défaite كانوا كلما وجدوا انتقابا ولو تافها استعملوه devant la grande défaite et la colère, chaque fois qu'ils trouvaient même une critique futile, ils utilisaient cette critique. Parfois leur critique suscitait le rire lorsque celles-ci sont dévoilées par le Coran. Un homme étranger qui ne parlait presque pas l'arabe, إلا بقدر ما يجيب على الخطاب كيف يعلم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز في أسلوبه العربي comment cet étranger puisse-t-il apprendre à Muhammad prier et sajoui ce Coran qui était miraculeux dans son style arabe وكل هذا يبين شدة الحرب التي كان يخوضها المشركون ضد الإسلام et tout ceci nous montre la brutalité de la guerre ou de la bataille menée par les associateurs contre l'Islam. ثانيا deuxièmement اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي افترى أو اخترع القرآن. Ils ont accusé le prophète prière et sa joie comme quoi c'était lui qui a inventé le Coran. Et comme quoi ce n'est pas Dieu qui lui a révélé le Coran. فَتَحَدَّهُمْ أَلَّهُ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَهُ Dieu, avec toute logique, leur a lancé un défi, faites comme lui. Inventez à vous, à votre tour, un Coran comme lui, un Coran inventé comme lui, il a inventé ce Coran. وَيَأْتُوا بِمِثْلِ الْقُرْآنِ إِذَا كَانَ كَلَامُكُمْ صَحِيحًا Ô mécréants, ô associateurs, si vos paroles sont véridiques, ou en Nabi iftar al Qur'an, et si le prophète a inventé le Coran, ramenez votre argument, ramenez la preuve, iftar al Qur'an al mitlahu, faites comme lui, inventez un autre Coran. فأنتم عرب, vous êtes des Arabes. تتقنون اللغة العربية, vous maîtrisez bien la langue arabe classique. وتتقنون الشعر, et vous maîtrisez bien la poésie. واستعينوا حتى بالجن. Et faites-vous aider même par les démons. فَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِعُوا وَظَهَرَ عَجْزُهُمْ Lorsqu'ils furent incapables, et leur incapacité était apparente devant tout le monde, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à faire un Coran entier, تَحَدَّهُمْ أَلَّهُ أَنْ يَفْتَرُوا عَشْرَ سُوَرٍ مِثْلِهِ فَقَطْ Dieu leur a lancé un deuxième défi, vous êtes incapables d'inventer un Coran entier. Maintenant, je vous lance un deuxième défi. Inventez seulement 10 chapitres comme les chapitres coraniques. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset, « Am yakuluna ftarah, qul fatu bi ashri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah » وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ou bien ils disent, il l'a forgé de toutes pièces. Dis, apportez donc 10 chapitres comme lui, forgés de toutes pièces, et faites appel à qui vous pouvez en dehors de Dieu, si vous êtes sincères. فَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِعُوا Lorsqu'ils étaient incapables de faire ça, وَظَهَرَ عَجْزُهُمْ Et tout le monde a compris leur incapacité, تحدهم الله. Dieu leur a lancé un troisième défi, أن يأتوا بصورة واحدة. Dieu leur a dit d'inventer un seul chapitre. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله. Ou bien ils disent, il l'a inventé, dit, apportez donc un chapitre comme lui. ورغم أن في القرآن بعض السور متكونة من سطر واحد. Et malgré que dans le Coran, comme tout le monde le sait, il y a quelques chapitres formulés à partir d'une seule et unique ligne, une seule ligne dans le chapitre. والله تحداهم بالإتيان بصورة واحدة. Et Dieu leur a lancé le défi d'apporter un seul chapitre, c'est-à-dire une seule ligne, يعني سطر واحد. فلم يستطيعوا. ils furent incapables. رغم كثرة الشعراء بينهم, malgré le grand nombre de poètes parmi eux, ولم يستطع أحد إلى الآن مدة 14 قرنا أن يأتي بصورة واحدة مثل سور القرآن. Et jusqu'à maintenant et pendant plus que 14 siècles, aucun arabe n'a pas pu inventer un seul chapitre qui fait une seule ligne. ولن يستطيع أحد إلى يوم القيامة, et personne ne pourra le faire jusqu'au jour de la résurrection. وثالثا, troisièmement, أمام هزيمتهم وعجزهم, devant leur incapacité, devant leur défaite, قالوا لا تسمعوا للقرآن. Les mécréants disent maintenant n'écoutez plus le Coran. وإذا رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم يريد القراءة, et si vous voyez, c'est la censure. C'est ce qui se passe dans toutes les sociétés. Lorsqu'on est incapable de mener un débat correctement, on passe à la censure. إذا رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم يريد القراءة عند الدعوة أو الصلاة, si vous voyez que Mohammed cherche à lire, prière et saillez sur lui, eux ils disent pas prière et saillez sur lui, prière et saillez sur lui, cherche à lire, à réciter le Coran pour l'appel à Dieu, ou dans la prière, تتكلموا, parlez à haute voix, واصرخوا, et criez, حتى لا يسمع القرآن. Ainsi personne ne pourra écouter le Coran. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ceux qui avaient mécru dirent, n'écoutez pas ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, peut-être serez-vous vainqueurs. فكل الوسائل لتحقيق الانتصار كانت مشروعة عند مشركي مكة. Tous les moyens, toutes les méthodes afin de réaliser la victoire étaient légitimes chez les associateurs mécois. Même les moyens enfantins, même les méthodes de gamins étaient légitimes chez eux. Et en réalité, c'est la méthode pratiquée par tous les associateurs en face ou pour combattre les messagers à toute époque et à tout lieu. Maintenant je passe au troisième axe qui est le dernier. Al-Aqida. Ils ont combattu le prophète. Ils ont combattu le Coran. Maintenant ils vont combattre la doctrine ou la foi ou la croyance islamique. Kama nara fi ayy zaman wa ayy makan, comme on voit à toute époque et à tout lieu, العقيدة بطلب آيات صعبة لإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. Ils vont combattre la doctrine musulmane en demandant des signes difficiles à réaliser pour montrer l'incapacité du prophète, prière et saillez. وأذكر على سبيل المثال بعضها, et je vais citer quelques-unes par exemple. أولا, premièrement, أنكروا الحياة بعد الموت. Ils ont contesté la vie après la mort. جاء مرة العاص ابن وائل, une fois العاص fils de وائل est venu voir le messager de Dieu, prière et saillez. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل. Il est venu portant dans sa main un os vieux, ancien, qui commence à se transformer en poussière, en poudre de poussière. فقال يا محمد, et il dit au Mohammed, est-ce que cet os sera ressuscité après avoir être devenu de la poussière? قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saillez sur lui lui dit, نعم, oui, يبعث الله هذا, c'est Dieu qui va faire ressusciter cet os. ثم يميتك, et par la suite il va te donner la mort. ثُمَّ يُحْيِيكَ, et par la suite il va te donner la vie. ثُمَّ يُدْخِلُكَ نَارَ جَهَنَّمَ, et après il va te faire entrer dans le feu de la GN, de l'enfer. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ, et juste après ceci, Dieu a envoyé l'archange Gabriel avec ce verset coranique. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Il pense à donner, c'est-à-dire ce monsieur-là, il pense à donner un exemple de notre incapacité, oubliant sa propre création, et dit, qui fait revivre les ossements une fois réduits en poussière, dit, celui qui les a créés une première fois les fera revivre, et il se connaît parfaitement en toute création. Deuxièmement, قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم les associateurs dirent au prophète prière et salut sur lui إذا أردت أن نؤمن si tu veux qu'on croit فأتي بمعجزات كالرسل من قبلك ramène-nous, apporte-nous des miracles, des signes de Dieu, des miracles comme les messagers avant toi l'ont fait. قال تعالى يصف لنا قولهم. Regardez, Dieu va nous donner un verset pour nous décrire leurs paroles. لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا. Que ne lui a-t-on descendu un ange pour qu'il soit avec lui un avertisseur? Que ne lui jette-t-on un trésor? Ou que n'a-t-il en sa possession un paradis, c'est-à-dire un parc ou un jardin, dont il mange? Wa qala ta'ala, et Dieu le Très-Haut dit dans un autre verset coranique, Wa qalu lan numina laka hatta tufajjira lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا قالوا ائتي بالله والملائكة ونؤمن لك آتي بالله تعالى ائتي بالله تعالى وتبارك وائتي بالملائكة ونؤمن لك أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو تصعد في السماء أمامنا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ورغم ذلك لن نؤمن لك ولو طلعت في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تطلع في السماء وتنزل من السماء بكتاب نقرأه قل سبحان ربي يا محمد قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ما أنا إلا بشر رسول ما يمكن لي أن أقوم لكم بما تطلبون Ils dirent, jamais nous ne croirons en toi jusqu'à ce que tu nous fasses jaillir de terre une source intarissable ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes et qu'à travers eux tu fasses couler abondamment les rivières ou que tu fasses tomber sur nous comme tu l'as prétendu le ciel en morceaux ou que tu nous amènes Dieu et les anges d'une façon bien visible ou que tu disposes d'une maison en or ou autre chose précieuse ou que tu t'élèves dans le ciel et nous ne croirons jamais à ton ascension jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous lisions, dit ô Mohammed, dit gloire et pureté à mon Seigneur, ai-je donc jamais été autre chose qu'un être humain messager? وقال الله في الجواب لنبيه صلى الله عليه وسلم et Dieu dit dans la réponse dans un verset coranique à son prophète Mohammed prière et salut sur lui ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لو أتاهم بما قالوا سيقولون لا لا نؤمن هذا سحر مبين أنت ساحر Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur papier et qu'ils l'eussent ainsi touchée de leurs propres mains, ceux qui ont mécru auraient sûrement dit « Ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste ». Même s'il va faire tout ceci, ils vont le traiter de sorcier. فبين الله للرسول صلى الله عليه وسلم, Dieu a montré à son messager, prière et sagesse pour lui, وللمؤمنين, il a montré à tous les croyants, أن هؤلاء المشركين بطلبهم الآيات المعجزة لا يريدون الإيمان. Comme quoi ces associateurs, en demandant des signes comme miracles, ne cherchent pas par là à croire, ولكن يريدون طلب المستحيل لإعجازك فقط, mais ils te demandent des choses impossibles uniquement pour te mettre en difficulté. Parce que eux, ils ne veulent jamais croire. مثال ذلك, je vous donne un exemple sur ceci. مثال ذلك, لما ألح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque les mécréants ont insisté auprès du prophète, prière et sagesse pour lui, في مكة, à la Mecque, أن يظهر لهم آية ويؤمنوا به, comme quoi s'il leur montre un signe, ils vont croire en lui. وطلبوا انقسام القمر نصفي, ils ont demandé qu'il divise en deux, qu'il sépare en deux la lune. بمعنى موسى عليه الصلاة والسلام ربه قسم له البحر, ça veut dire en quelque sorte Moïse, prière et sagesse, lui, son Seigneur lui a divisé ou partagé ou séparé la mer rouge. Mais ce miracle de Moïse, prière et sagesse, les hommes d'aujourd'hui peuvent le faire. Avec la technologie et la science d'aujourd'hui, on peut peut-être séparer en deux parties la mer et laisser un chemin entre avec la technologie d'aujourd'hui. Nous, on demande plus que ça. Tu vas pas faire comme Moïse, mais tu vas séparer en deux parties la lune et après tu recolles les deux morceaux. Même avec la technologie d'aujourd'hui, l'homme ne peut pas faire ça. Ça, ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, prière et sagesse pour lui, a invoqué son Seigneur, a prié son Seigneur de leur faire ça. Lorsqu'il y a un miracle, c'est pas le prophète qui accomplit le miracle. Le miracle, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le prophète n'est qu'un simple homme comme moi. Qu'il soit Jésus ou Abraham ou Moïse ou autre, prière et sagesse sur eux, ils ne sont que des hommes. Mais chaque fois qu'il y avait un miracle, c'est Dieu qui a accompli le miracle pour assister son prophète. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète a invoqué son Seigneur, prière et sagesse sur lui. فانقسم القمر نصفين, et la lune est divisée en deux morceaux. حتى رأوا جبل حراء بينهما, jusqu'au point que les mécréants ont vu entre les deux morceaux le mont de Hira, la montagne de Hira, un morceau de la lune à sa droite et un morceau de la lune à sa gauche. حتى رأوا جبل حراء بينهما فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا, le prophète prière et sagesse leur dit témoignez, regardez. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Tirmidhi et d'autres. وفي رواية l'imam Ahmed, dans une version de l'imam Ahmed, فقالوا سحرنا محمد ولم يؤمنوا, ils ont dit juste après ce grand miracle, ils ont dit, Mohammed nous a ensorcelés. Il nous a touchés par sa sorcellerie et à cause de ça, on a vu la lune divisée par deux, mais la lune n'a jamais été partagée en deux. فأنزل الله تعالى وتبارك سورة القمر, et Dieu a révélé le chapitre qui a pour titre la lune. بسم الله الرحمن الرحيم, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Voici que l'heure est toute proche, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde est toute proche, et que la lune s'est fondue. S'ils voient un miracle, ils tournent le dos et disent c'est une sorcellerie continue. يقول الدكتور زغلول النجار في كتابه الإعجاز العلمي في السنة النبوية الجزء واحد. Le docteur Zaghloul al-Najjar dit dans son livre Le miracle scientifique dans la Sunna, tome 1, دوّن كل من التاريخ دون كل من التاريخ الهندي والصيني القديم حادثة انشقاق القمر. Les historiens hindous et chinois ont cité dans leur histoire ancienne l'événement de la division ou de la fissure ou de la séparation de la Lune. Ça a été cité par les Chinois et par les Hindous. Ça veut dire que ceci n'était pas apparent seulement dans la Mecque, mais le monde entier a vu ce jour-ci que la Lune était divisée ou partagée en deux. وَذَكَرَ كَذَلِكَ أَنَّ رَئِيسَ الْحِزْبِ الْإِسْلَامِ الْبْرِطَانِي Et ce docteur dans ce livre a cité comme quoi le président du parti islamique britannique, Daoud Moussa Pidcock, qui s'appelle David, si vous voulez, Moïse Pidcock, اعتنق الإسلام سنة 1978. Ce monsieur Pidcock a embrassé l'islam en l'an 1978. Et la raison, أن أحد أصدقائه المسلمين منحه هدية ترجمة للقرآن الكريم. L'un de ses copains ou amis musulmans lui a offert comme cadeau la traduction en anglais du Saint Coran. وأول ما فتح الترجمة et la première fois il a ouvert la traduction du Coran وجد نفسه أمام سورة القمر. Il s'est trouvé devant le Dieu a voulu qu'il s'est trouvé devant le chapitre la lune. وَقَرَأَ بِنْقِسَامِ الْقَمَرِ Et il a lu que la lune était bien divisée ou séparée en deux. وَلَمْ يُصَدِّقْ Il n'a pas cru, il a fermé la traduction, il l'a déposée sur la table et il a allumé sa télévision. لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّ الْقَمَرِ انْقَسَمْ هَذِي خُرَفَاتِ Il s'agit de mythes. وَوَضَعَ الْقُرْآنِ ترجمة القرآن على الطاولة وأشعل التلفاز وبعد ذلك رأى في شاشة التلفزة برنامجا et il est tombé sur une émission à l'époque 1978 une émission dans laquelle le présentateur a invité trois astronautes américains يعني مقدم البرنامج استضاف ثلاثة علماء فلك علماء فضاء أمريكيين قالوا Ces trois astronautes ont dit بِأَنَّ الرِّحْلَ لِلْأُولَى لِلْقَمَرِ Comme quoi le premier voyage de l'homme vers la Lune أَثْبَتَتْ لَهُمْ حَقِيقَ Ce premier voyage leur a prouvé une vérité. وَهِيَ أَنَّ الْقَمَرَ صَدَقَ لَهُ أَنِنْ شَقَّ ثُمَّ الْتَحَمْ La vérité c'est que la Lune a subi dans le passé une division, une séparation et après la Lune a été recollée. وهناك آثار على سطح القمر إلى الآن تؤيد ذلك. Et il y a jusqu'à maintenant des traces sur la surface de la Lune qui prouvent ceci. فقفز السيد بيتكوك. Et Monsieur Pidcock a sauté de sa chaise. وقال il a dit معجزة حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. يرويها القرآن un miracle réalisé pour Mohammed prière et sur lui depuis plus de 14 siècles cité dans le Coran le chapitre la lune ثم يسخر الله في هذا العصر من يثبتها للمسلمين في عصر العلوم et par la suite Dieu a mis en service des gens comme les Américains pour prouver à l'époque de la science aux musulmans ce miracle أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله et il a conclu par dire j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu et j'atteste que Muhammad est bien le messager de Dieu أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن شاء الله في الحصة القادمة في الأحد القادم سنرى حربا أخرى من حروب المشركين للإسلام ولنبي الإسلام La fois prochaine on va voir un autre moyen qui a été utilisé par les mécréants, par les associateurs pour combattre l'islam et le prophète de l'islam On verra ça إن شاء الله la semaine prochaine اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا من لا إله إلا أنت كما أدخلتنا في هذه الساعة إلى بيتك اللهم أدخلنا في ساعة القيامة إلى بيتك الجنة اللهم كما جعلتنا نجتمع حول سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا حول حوضه غدا يوم القيامة، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما جعلتنا نستمع للسيرة، اللهم اجعلنا نتبع السنة، اللهم اجعلنا ممن يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا واحدة واحدة في هذه الساعة إلى إمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.